Le pain d'or par Édouard Laboulaye. Il y avait une veuve qui avait une très belle fille. La mère était humble et modeste. La fille, Marienka, était l'orgueil même. Les prétendants venaient de tous côtés, aucun ne lui convenait. Plus on s'efforçait de lui plaire, plus elle était dédaigneuse. Une nuit que la pauvre mère ne dormait pas, elle prit au mur son chapelet et se mit à prier pour le salut de celle que lui donnait plus d'un souci. Marienka était couchée dans le même lit. La mère regardait avec amour la beauté de son enfant. Voilà tout à coup Marienka qui rit en dormant. « Quel beau rêve fait-elle donc ? Qu'elle rit de la sorte ?» se dit la mère. Puis elle achève sa prière, remet le chapelet au mur et plaçant sa tête près de celle de sa fille, elle s'endort. Au matin. « Cher enfant, dit-elle, quel beau rêve faisais-tu donc cette nuit pour rire de la sorte ? Ce que j'ai rêvé, maman ? J'ai rêvé qu'il venait ici pour moi un seigneur dans un carrosse de cuivre. Il me mettait au doigt un anneau dont la pierre brillait comme les étoiles. Et quand je suis entré dans l'église, le peuple n'avait Dieu que pour la mère du Seigneur et moi. « ma fille, quel rêve orgueilleux !» dit la pauvre mère en secouant la tête. Mais Marienka sortit en chantant. Le jour même, il entra dans la cour à chariot. Un jeune fermier de bonne mine et fort à son aise venait demander à Marienka de partager avec lui le pain du paysan. Le prétendu plaisait à la mère. La fière Marienka le repoussa en disant « Quand tu viendras dans un carrosse de cuivre et que tu me mettrais au doigt un anneau dont la pierre brillerait comme les étoiles, je ne voudrais pas de toi pour mari. » Et le fermier se retira en maudissant l'orgueil de Marienka. La nuit suivante, la mère s'éveilla, décrocha son chapelet et pria plus ardemment encore pour le salut de sa fille. Et voilà Marienka qui rit tout haut en dormant. « Quel rêve fait-elle donc ? » se demande la mère qui prie et ne peut trouver le sommeil, au matin. « Cher enfant, dit-elle, quel rêve as-tu donc fait cette nuit ? Tu riais tout haut en dormant. Ce que j'ai rêvé, maman, j'ai rêvé qu'il venait ici pour moi un seigneur dans un carrosse d'argent, et il m'offrait un diadème d'or. Et quand je suis entré dans l'église, le peuple faisait moins d'attention à la mère du Seigneur qu'à moi. « Tais-toi, mon enfant, tu blasphèmes. Prie, ma fille, prie pour ne pas succomber à la tentation. » Mais Marienka s'enfuit pour ne pas entendre le sermon que commençait sa mère. Le même jour, il entra dans la cour un carrosse. Un jeune seigneur venait prier Marienka de partager avec lui le pain des gentilshommes. « C'était un grand honneur, disait la mère, mais la vanité est aveugle. « Quand vous viendriez en carrosse d'argent, dit Marienka au nouveau soupirant, « quand vous m'offririez un diadème d'or, je ne voudrais pas de vous pour mari. « Prends garde, ma fille, disait la pauvre mère, l'orgueil sans l'enfer. » Les mères ne savent ce qu'elles disent, pensa Marienka, et elle sortit en haussant les épaules. La troisième nuit, la mère ne put dormir tant elle était inquiète. Elle roulait son chapelet dans ses doigts et priait pour le salut de sa fille. Voilà Marienka qui part d'un grand éclat de rire. « Bon Dieu, dit la mère, que rêve encore la malheureuse enfant ?» Et elle resta en prière jusqu'au point du jour. Au matin, « Cher enfant, dit-elle, qu'as-tu donc rêvé cette nuit ? Vous allez encore vous fâcher ?»« Dis toujours, reprit la mère, dis toujours. » « J'ai rêvé qu'un noble seigneur venait avec une suite nombreuse me demander en mariage. Il était dans un carrosse d'or et m'apportait une robe en dentelle d'or. Et quand je suis entré dans l'église, le peuple n'a vu que moi. » La mère croisa les mains. La fille demi-vêtue sauta bas du lit et s'en alla dans une autre chambre pour fuir une morale qui l'ennuyait. Le même jour, il entra trois voitures dans la cour, une de cuivre, une d'argent, une d'or. La première à deux chevaux, la seconde à quatre, la troisième à huit, tous carapassonnés d'or et de perles. Du carrosse de cuivre et du carrosse d'argent sortirent des pages en culotte rouge, en veste et dolman vert, du carrosse d'or descendit un beau gentilhomme tout habillé d'or. Il entra dans la maison et, mettant un genou en terre, demanda à la mère la main de sa fille. « Quel honneur !» pensait la pauvre femme. « Voilà mon rêve, » dit Marienka. « Vous voyez, ma mère, que, comme toujours, j'avais raison et que vous aviez tort. » Et aussitôt elle court à sa chambre, tresse le bouquet des fiancés et, toute souriante, l'offre au beau seigneur comme gage de sa foi. Et, de son côté, le beau seigneur lui passe au doigt un anneau dont la pierre brillait comme les étoiles et lui offre un diadème d'or et une robe en dentelle d'or. L'orgueilleuse alla s'habiller pour la cérémonie. La mère, toujours inquiète, demanda au fiancé. « Mon bon seigneur, quel pain offrez-vous à ma fille ?»« Chez nous, dit-il, le pain est de cuivre, d'argent ou d'or, elle pourra choisir. » »« Que veut dire cela ?» pensa la mère. Marienka ne s'inquiéta de rien. Elle revint belle comme le soleil, accepta la main de son fiancé et partit pour l'église sans même demander la bénédiction de sa mère. On laissa la pauvre femme prier au seuil de l'église, et lorsque Marienka monta dans le carrosse, elle partit sans se retourner vers sa mère, sans penser même à lui dire adieu. Voilà les 8 chevaux qui galopent jusqu'à ce qu'ils arrivent à un énorme rocher dans lequel il y avait un trou grand comme une porte de ville. Les chevaux s'enfoncent dans la nuit, la terre tremble, le rocher craque et s'écroule. La fiancée saisit la main de son époux. « Ne crains rien, ma belle, tout à l'heure il fera jour. » Tout à coup, 1000 flambeaux s'agitent. Ce sont les nains de la montagne qui, une torche à la main, viennent saluer leur seigneur, le roi des mines. Marienka connut alors quel était son mari. Bon ou mauvais génie, il était si riche que la fiancée accepta volontiers sa nouvelle fortune. Sorti de l'obscurité, on s'avança au travers de forêts blanchâtres et de montagnes qui dressaient jusqu'au ciel leurs fronts mornes et pâles. Sapins, hêtres, bouleaux, chênes, rochers, tout était de plomb. Au bout de la forêt était une longue prairie dont les herbes étaient d'argent. Au fond de la prairie était un château d'or incrusté de diamants et de rubis. C'est là que s'arrêta l'équipage. Le roi des mines offrit la main à sa fiancée en lui disant « Ma belle, tout ceci t'appartient. » Qui fut charmé ? Ce fut Marienka. Mais on ne fait pas un si long voyage sans avoir faim. C'est donc avec un certain plaisir qu'elle vit les nains de la montagne dresser une table où tout étincelait d'or, de cristal et de pierreries. On servit des mets admirables, des entrées d'émeraudes, des rôtis d'or sur des plats d'argent. Chacun y mordit à belles dents, hormis la fiancée qui demanda à son époux un peu de pain. « Servez le pain de cuivre, » dit le roi des mines. Marienka n'en put manger. « Servez le pain d'argent, » reprit-il. Marienka n'en put manger. « Servez le pain d'or, » dit-il enfin. Marienka n'en put manger. « Ma belle, » dit le roi des mines, « j'en suis fâché. Mais que t'offrirai-je ? Nous n'avons pas d'autre pain. » La fiancée fondit en larmes. Le mari se mit à rire aux éclats. Son cœur était de métal comme son domaine. « Pleure, si tu veux, » s'écria-t-il, « cela ne te servira de rien. Ce que tu as voulu, tu le possèdes. Mange le pain que tu as choisi. » C'est ainsi que la riche Marienka reste dans son château, mourant de faim, cherchant en vain une racine pour apaiser le mal qui la dévore. Dieu l'a exaucée pour la punir. 3 jours par an, aux rogations, quand la terre s'entrouvre à la pluie féconde que lui envoie le Seigneur, Marienka revient sur la terre, vêtue de haillons, pâle, desséchée, elle mendie de porte en porte, trop heureuse quand on lui jette quelques débris, et qu'elle reçoit d'un misérable ce qui lui manque dans son palais d'or, l'aumône d'un peu de pain et de pitié. C'était Le pain d'or, par Édouard Laboulaye.